Et d'une manière générale, les adorations des cœurs sont la source et l'origine des adorations des membres. Quand il y a l'amour d'Allah dans le cœur, tu vas trouver que le serviteur, il va aller vers ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va multiplier les adorations pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces adorations du cœur sont plus difficiles à acquérir que les adorations de l'apparence et des membres. Et comme j'ai dit, les adorations des membres suivent les adorations du cœur. Comme a dit un salaf, Man arafa Allah ahabbah, wa man ahabbahu ata'ah. Celui qui connaît Allah, il l'aimera. Et celui qui aime Allah, il lui obéira. C'est pour ça, tu peux trouver une personne très âgée, très faible physiquement, il marche plié, et ça, c'est des choses que j'ai vues à plusieurs reprises. Des personnes très âgées, au point ils n'arrivent pas à marcher droit, et tu les trouves, ils prient Tarawih du début jusqu'à la fin, sans bouger dans sa salate. Tu le trouves, il fait son pèlerinage à pied. Tu vas trouver qu'il lit le Coran quotidiennement, plusieurs juz par jour. Il fait qiyam al-layl. Il jeûne chaque lundi, chaque jeudi. Et malheureusement, tu trouves des jeunes en plein force de l'âge qui font de la musculation, qui porte plus de 100 kilos dans son entraînement, tu vas trouver que quand il arrive dans les adorations, il est très faible. Dès qu'il commence, il est rapidement fatigué. Il n'attend que salam de l'imam pour quitter la salat. C'est pour ça la force, la vraie force, c'est la force de la foi. C'est la force du cœur. Et non pas la force physique. Quand le cœur est fort, les membres suivent, même si dans l'apparence, ils sont faibles. Et tu peux avoir quelqu'un qui a une force physique conséquente, mais qui est très faible dans l'adoration. Pourquoi? Parce que son cœur est faible. Donc la vraie force, c'est la force du cœur, la force de la foi.